sincère, qu'elle vraiment qu'elle était. Ça me tape chercher en l'air, mais moi je n'y à terre. Ça te fait plaisir, t'es gagné comme ami. Y'a un monde pour consoler, l'aime t'es gagné l'orange. Séparer, c'est s'allier. Tout parti qui t'aime, c'est avec vous qui est moins veillé. Sans où la vie m'est pas complète, tout n'est souple. Dépasser des années, nous pas jamais bouquer. Pas bien raison qui fait, relation pas marché. Doudou chéri, t'es fait tout ça en vie. Pour qui ou qui t'aime, m'a demandé au retourné. Pour parti qui t'aime, pour bel moment nous t'es passé. Pour n'y en oublier séparé, c'est ça lié. Pour parti qui t'aime, c'est avec vous qui est moins vlégué. Sans la vie m'est pas complète. Sans où la vie m'est pas complète, tout n'est souple.